plus ce qu'il était, moi non plus. On ne va pas regretter les occasions manquées, ni les slows pour danser, il n'y en a plus. Ce qui restait, ou la mort ou l'amour les a eu.